Planète Rap. Grosse exclu, Skyrock, Layla, prix du démon le 2 novembre. Je suis dans le club avec mes gamins en blé. Et sous le charme de cette peau, j'ai semblé. Je regarde sa taille, le dégât près d'un combule. Ça y est, mon cœur a succombé. Je suis dans le club avec mes gamins en blé. Et sous le charme de cette peau, j'ai semblé. Je regarde sa taille, le dégât près d'un combule. Ça y est, mon cœur a succombé. Je me rapproche d'elle doucement. Ça disparaît dans la foule, nanana. Face à elle, je perds mes mots. Je me comporte comme avant. Qu'elle se souviendra de moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Les gens ici surveillent ma life. Faut leur tous ma voix. Faut leur ou ma lame. Voilà, Leila. Ténébreuse comme la nuit, je suis sous le charme. Juste pour une nuit, ou pour une vie. On verra où cette folie nous mènera. King, fruit du démon le 2 novembre. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.